disons qu'il a lu dans la Bérénale qu'il devait y avoir un Spartacus noir et le Spartacus blanc n'avait pas réussi. Lui, il entend être ce Spartacus noir qui sera victorieux. Comment arriver à être victorieux? Comment peut-il arriver à, dans un monde que pratiquement il ne devait pas connaître, il ne devait pas, même pas comprendre? Quand il se passe une révolution en France, qu'il y a des forces royalistes, anti-royalistes, et qu'on passe d'une autorité à une autre, et que lui, petit esclave de Saint-Domingue, qui n'a jamais voyagé, il doit imaginer arriver, ses antennes sont dressées pour saisir ce monde de blanc, fait par les blancs, pour les blancs, pour arriver un jour à ce que les Noirs trouvent leur place à égalité avec ces Blancs.